sommes saint troubadours qui allons par chemin, même avec les doigts gourds, vous chantons nos refrains, dont l'histoire d'une gourde ne l'oyez pas en vain. Sommes quatre troubadours, l'un de nous s'est éteint. Non que nous fûmes sourds quand il se plaignit plein. Lui tendîmes la gourde, mais le geste fut sommes trois troubadours, nous maris de chagrin. Bien loin de Colombourg, mourut l'autre vilain, en réclamant la gourde et priant le divin. Sans les bouts, rencontrer des copains, n'emplirent point leur gourde, mais leur panse de vin. Du vin, oui, du bon vin, du rouge, du rose, du blanc, du raisiné aussi. Le dernier troubadour, sûrement le plus mal, arrivant à la cour, il compta ce refrain. Bien haut pour qu'on laisse gourde l'histoire de cette gourde qui paraissait si lourde qu'enfermait chaque lourde quand il mordait divin. Mais divin, s'il vous plaît, divin. N'importe quelle couleur, boire et tout. Du blanc, du rouge, du rose, du madérisé. Pour un peu d'eau de lourde, périr quatre villes au pays des palourdes. On préfère le vin, elle qui était en lourde, la gourde d'eau calourde, ils emplirent de vin, d'une gourde de vin. Miracle, oh miracle, miracle, miracle. L'histoire dit toutefois qu'en Armor autrefois, se mourut un larron d'une crise de foi. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Que l'on ne comprit qu'à les gourdes de cette chanson.